Chapitre 3e. Harmonie regarda sa montre et s'aperçut qu'effectivement elle était vraiment en retard. Elle essaya de marcher un peu plus vite, mais le théâtre était encore à bonne distance. Elle allongea donc encore le pas et, très essoufflée, arriva enfin dans la salle de spectacle. Elle avait du mal à respirer à présent, commençait à avoir trouble. Le docteur Villona se dirigeait vers elle quand elle vit la jeune femme choir dans l'allée. Elle se précipita aussitôt en appelant de l'aide. Caline, dit-elle au jeune infirmier péruvien qui étudiait à ses côtés et l'aidait dans sa mission sur ce navire, va vite me chercher ma trousse de secours. Cours! Le jeune homme fondit sur la sacoche du médecin et lui ramena. Villona ausculta Harmonie avec beaucoup d'attention. Le cœur battait à une vitesse folle. Qu'avait donc fait sa patiente pour en arriver là? Il lui semblait pourtant que c'était une femme raisonnable. Fuyait-elle quelqu'un? Elle se posait encore mille questions lorsqu'Harmonie revint à elle. « Comment vous sentez-vous, madame ?»« Ça peut aller. Je vais vous relever doucement et vous asseoir. Je ne détecte rien de grave, mais je ne comprends pas que votre pouls soit si rapide. J'ai couru. J'étais en retard et c'est pas raisonnable. Il faut vous ménager. Avez-vous mangé au moins ?»« Oui, mais je vais bien maintenant, » affirma-t-elle au médecin. « Je sais que c'était stupide. » Mais je ne voulais pas déranger en plein discours, alors. Avez-vous pris votre médicament à 15 heures? Harmonie ouvrait de grands yeux. Elle l'avait oublié, et c'était bien la première fois. Cet homme, c'était de sa faute. Non, se dit-elle, c'est de ma faute. Il me trouble tellement que je ne sais plus ce que je fais. Il faut que cela cesse. Je vais mettre ma vie en grand danger avant même de terminer cette fichue croisière. Madame, insista Villona. « Je suis désolé, mais je ne l'ai pas pris. Je retourne aussitôt à ma cabine. Attendez, je ne peux vous laisser partir comme cela. » Elle se tourna vers son jeune assistant, inscrivit quelques mots sur une feuille et lui remit entre les mains. « Vous allez à l'infirmerie et demandez au pharmacien ce médicament immédiatement. Et n'oubliez pas le nécessaire pour l'injection. » Le jeune homme restait sur place sans bouger lorsqu'elle ajouta « Remuez-vous au nom de Thor !» Son exclamation fit sourire Harmonie et quelques passagers qui s'étaient regroupés. « Mesdames et messieurs, la récréation est terminée. Veuillez regagner vos places, l'exercice n'est pas fini. » Soudain, une voix grave et très inquiète, qu'elle reconnut aussitôt, s'éleva. « Que se passe-t-il? Puis-je être utile? Harmonie, vous êtes-vous fait mal? Vous êtes son mari ?» demanda le docteur. « Non, juste un ami. Alors je vous remercie, je n'ai pas besoin d'aide. » « Madame est entre de bonnes mains, je vous rassure. »« Un malaise ?» insista-t-il pourtant. « Écoutez, monsieur, je raccompagne madame à sa cabine, une fois faite l'injection. Si elle veut ensuite vous recevoir et en discuter avec vous, c'est son affaire. Mais pour le moment, je vais vous demander de vous éloigner. » Le jeune infirmier revenait avec tout le nécessaire. Le médecin arracha la boîte du médicament, la posa sur un fauteuil et pratiqua l'injection. Une fois celle-ci effectuée de main de maître, Villona insista pour qu'Harmonie se repose quelques minutes. Jérémy, non loin de là, regardait la scène avec inquiétude. Était-ce de sa faute? Il avait tellement insisté. Le médecin la souleva et à petits pas, elles sortirent du théâtre. Il allait les suivre lorsque son regard tomba sur la boîte du médicament. Discrètement, il s'en approcha et la mit dans sa poche. S'installant à une table d'un bar qui jouait du Cole Porter pour de vieux couples qui dansaient collés l'un contre l'autre, il commanda un cognac. Lorsqu'il fut enfin seul, il sortit la boîte de sa poche et l'examina. Écarquillant soudain les yeux en lisant le nom, il blanchit. Il connaissait bien ce médicament. Il l'avait en partie trouvé il y a de cela quelques années. Un anticancéreux de dernier recours. Son cœur manqua plusieurs battements. C'était donc cela. Cette jeune femme dont il était tombé follement amoureux au premier regard allait mourir dans quelques semaines ou mois. Il était anéanti. Soudain, l'existence lui parut insipide. Choqué, il ne savait plus comment réagir. Il avait espéré de cette rencontre une belle histoire. Il sentait que la jeune femme n'était pas indifférente. Comment se comporter désormais? Il avait la possibilité de lui donner quelques années de répit. Bien sûr, pour lui, c'était rallonger son enchaînement, mais pour elle, il en était capable. Lorsque son fils fut diagnostiqué, il fut contacté par les services de renseignement américains. Appelons donc un chat par la CIA. Il voulait, contre une greffe de moelle osseuse pour son petit, qu'il les aide en retour. Bien sûr qu'il avait accepté. Le grand laboratoire pour lequel il travaillait était une vraie passoire, selon eux. Des brevets étaient falsifiés et revendus à d'autres pays. Des médicaments coûteux s'envolaient. À présent, ils devaient obéir à leurs exigences. Cette mission sur ce navire devait être la dernière. S'il leur demandait cette faveur, il faudrait qu'il continue encore plusieurs années. En était-il capable? Le voulait-il vraiment? Et allait-il exaucer ses vœux? Pour le savoir, il devait mener avant tout sa mission à bien. Ensuite, il eut une idée, risquée certes, mais qui pourrait fonctionner. En attendant, il lui fallait jouer le jeu avec la jeune femme et faire semblant de gober le mensonge qu'elle allait lui servir. Ce médicament, s'il arrivait à l'avoir pour elle, ne lui donnerait que quelques années de vie en plus. Comme une énorme chimio, il tuait les cellules cancéreuses, mais pas les bonnes. Cependant, au bout d'à peine 5 à 8 ans, la tumeur revenait plus maligne qu'avant et ravageait le corps en quelques semaines. Cela en valait quand même la peine. Il n'avait trouvé la formule que 2 ans auparavant. Elle lui avait été retirée immédiatement pour éviter les fuites. Il travaillait encore dessus à perdre haleine. Il voulait trouver pourquoi cette tumeur revenait après plusieurs années de sommeil total et plus virulente qu'avant. Malheureusement, il avait dû cesser ses recherches pour accomplir cette mission. Oh, bien sûr, il était furieux. À présent, il en était presque satisfait. Ce médicament encore expérimental coûtait tellement cher qu'il n'était réservé qu'à une élite. Voudrait-elle seulement le prendre? Il ferait en tout cas tout ce qu'il pouvait pour qu'elle l'accepte. Il refusait de la perdre. Il avait l'impression d'avoir enfin trouvé son âme sœur. Il espéra qu'elle ressentait la même chose pour lui. De toute façon, il voulait qu'elle vive, même si cela devait être sans lui. Elle avait suffisamment souffert avec l'homme qu'elle avait épousé pour mourir 2 ans après son divorce. Non, c'était absolument hors de question. En attendant, il fallait qu'il s'occupe de sa mission. Arrivé à la suite de la jeune femme, le docteur Villona l'allongea sur son lit et lui ordonna une sieste d'au moins 2 bonnes heures. Harmonie obtempéra volontiers, elle se sentait vidée. De plus, ce soir, il lui faudrait être en forme et prétexter quelques jolis mensonges plausibles. Elle s'endormit avec dans la tête le regard inquiet de Jérémy. La radio qu'elle avait programmée en sourdine pour lui tenir lieu de réveil joua son air favori. Elle fredonna quelques mesures d'Unchained Melody. Elle revit la scène du film Ghost, lorsque Patrick Swayze, tout à la fin, sauve l'héroïne du méchant tout en étant un fantôme. Le moment où il apparaissait à Demi Moore était si émouvant. Combien de fois avait-elle vu et revu ce film? Et combien de mouchoirs avait-elle utilisé? C'était, et cela resterait sans contestation, son film préféré. Elle se leva à la fin de la chanson. Elle fila sous la douche, en fredonnant encore le même air et fantasma. Un homme comme Jérémy, qui la prendrait dans ses bras, pour délicatement danser avec elle sur cette même musique. Bon sang, il fallait qu'elle arrête. Elle rougit en se regardant dans le miroir et une larme tomba sur sa joue. Elle aurait tellement aimé que cela se fasse. Dans une autre vie, peut-être, s'il y en avait une autre après la mort. Elle sortit de son armoire une jupe longue tout en dentelle blanche avec un chemisier vert pâle. Elle se maquilla soigneusement et fit disparaître avec un fond de teint les quelques cernes qui lui restaient sous les yeux. Elle ne tromperait certes pas une femme, mais un homme. Une touche de diva d'Emmanuel Ungaro sur ses poignets et son décolleté, et elle fut fin prête. Sa montre indiquait 19h40. Cette fois-ci, elle ne serait pas en retard. Elle sortit de sa suite et, tout en remettant sa carte dans sa pochette, regarda dans la coursive. Elle voulait un autre formulaire pour le petit déjeuner et son steward l'avait oublié. Elle vit tout au fond un homme ressemblant à Jérémy s'engouffrer dans une suite. Des amis, sans doute. Elle savait que sa suite n'était qu'à 3 portes de la sienne. Pourtant, sa façon d'entrer dans cette cabine lui avait paru suspecte, comme s'il cherchait à ne pas se faire remarquer. Ou bien cet homme lui ressemblait seulement. Elle fit demi-tour et rejoignit l'ascenseur. À sa table, elle attendit le serveur. Aussitôt qu'elle fut installée, il lui vint lui proposer le menu. « Pourriez-vous mettre un couvert de plus, je vous prie ?»« Certainement, madame. Vous ne dînez pas avec le monsieur de la table 18 ce soir ?» demanda-t-il dépité. « Justement, oui, mais à ma table. « Très bien, je reviens tout de suite, » fit-il en s'éloignant rapidement. Au bout d'un bon quart d'heure, elle se demanda si Jérémy s'était ravisé. Peut-être son malaise dans le théâtre avait-il refroidi ses ardeurs. Elle en était là de ses réflexions lorsqu'il arriva. En jean noir et t-shirt assorti, il était fabuleux. Elle n'entendit même pas ses excuses. Au bout d'un moment, il lui passa une main devant les yeux en souriant. « La terre appelle la lune. Répondez, la lune. » « Comment ? Oh, excusez-moi. Oui, effectivement, j'étais ailleurs. Que disiez-vous ? » « Rien de bien important sur mon retard. Quelques excuses. Comment allez-vous ? Bien mieux, je vous remercie. J'ai dormi et me voilà en pleine forme. J'ai dû faire un peu d'hypoglycémie. » Au fond de lui, Jérémy saignait. Il ne fallait rien laisser transparaître. Il lui sourit en retour et s'installa. « Tant mieux, j'en suis heureux. Qu'allez-vous commander ce soir ? Je vous suis. » « Eh bien, je pensais à une salade César en entrée et peut-être un risotto de truffes. Cela me paraît excellent. Allons-y. Et en dessert ? Choisissez. Je veux bien, mais traduisez, s'il vous plaît. » Ils firent leur choix sur une part de forêt noire. Ils papotèrent de la croisière et surtout de l'île qu'Harmonie avait tellement hâte de visiter. « Vous connaissez ? « Non. Peut-être pourrions-nous la visiter ensemble, qu'en dites-vous ? » « C'est une bonne idée, mais et votre fils ?»« Mon fils se balade seul ou avec ses copains. Je lui ai promis que pendant cette croisière, je n'interférerai pas dans ses choix. Bien sûr, à condition qu'il respecte les engagements qu'il a pris envers moi. « Pas de cigarettes et pas d'alcool, » s'amusa-t-elle à répéter. « Entre autres choses, bien sûr. Il est jeune et je ne voudrais pas qu'il lui arrive des problèmes. Je fais quelquefois discrètement une petite enquête pour voir qui sont ses fréquentations. Jusqu'à présent, c'est un bon garçon. » Pour ce qui est de Lille, je doute qu'il veuille traîner avec son vieux père. Vous n'êtes pas vieux, ne dites pas de sottises. Bientôt 48 ans, vous ne trouvez pas que j'ai déjà un certain âge? Lorsque je vous regarde, j'ai presque honte. Je pourrais être votre père. Harmonie se prit d'un fou rire. Vous exagérez toujours. Vous êtes incroyable. Mais j'avoue que j'aime ça. Si vous saviez comme cela me fait du bien. Pour tout vous dire, j'ai 45 ans. Non, c'est impossible, je ne vous crois pas. « Faites-moi voir vos papiers d'identité. » Tout le reste du repas se déroula de la même façon, joyeuse et légère. Comme la fois précédente, le serveur dut les mettre gentiment à la porte. Harmonie, cette fois-ci, avait prévu de s'envelopper dans un châle de mohair. Ils purent donc sortir sur le pont et continuer leur charmante conversation. « Vous allez à la soirée du commandant demain soir ? Et vous ? Certainement. Avez-vous un masque ? Un masque ? Mon Dieu, pourquoi faire ? Tout le monde doit être costumé ou en tenue de soirée et masqué. Très bien. Me prêterez-vous un bout de tissu? Avec deux trous pour les yeux, je pense que cela fera l'affaire. Si ce tissu est noir et brillant, je pourrais peut-être passer pour Zorro. » Elle éclata de rire. Ils en vendent à la boutique près du casino. Mais dépêchez-vous, vous ne serez certainement pas le seul. Sans masque, pas de soirée. Très bien. Juste le temps de vous raccompagner et j'y file. Il avait remarqué la pâleur de la jeune femme qui s'accentuait au fil de la soirée. À vrai dire, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ron est rentré très tard et m'a réveillée. Impossible de refermer l'œil jusqu'à 6 heures. Je veux aussi être en forme pour cette soirée. Je peux vous servir de cavalier ? J'en serai ravie, répondit-elle. Il la raccompagna jusqu'à sa suite et, comme la veille, lui fit un baise-main. Un peu plus appuyée cette fois-ci, et Harmonie ne retira pas sa main.